De temps à vouloir la trouver, elle est arrivée comme une enfant, plus la peine de la chercher. Madame, ses belles phrases se font désirer, et mon cœur lui est abîmé à l'idée de ne pas la toucher. Envie d'elle, c'est ma plus belle nuit, ma lune de miel. Envie d'elle, ma femme, je veux d'elle. Laisse courir ta humeur pour ne pas tomber, j'ouvre mon cœur. Car oui, je laisse mourir ta humeur pour ne pas sombrer, j'attends mon heure. On dit d'elle qu'elle est heureuse, mais certainement pas comblée. Qu'elle serait un peu trop capricieuse, un cadeau empoisonné. Je n'entends rien, je la vois belle, ma vie à ses côtés. Je n'y peux rien, je suis fou d'elle, je veux la prendre en paralysée. Envie d'elle, c'est ma plus belle nuit, ma lune de miel. Envie d'elle, madame, je veux d'elle. Ah oh, oui, je laisse courir ta humeur. Je laisse mourir la douleur pour ne pas sombrer. J'attends, j'attends mon heure. Mais je sais qu'un jour elle viendra. Alors je ne baisserai pas les bras, non. En attendant, je ferai sans pas. Et finis par me dire tout bas. Pour ne pas sombrer, attends ton heure. Pour ne pas tomber, ouvre ton cœur. Alors, moi, oui, je laisse courir la rumeur. Pour ne pas tomber, j'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur. Eh bien, oui, je laisse mourir la rumeur. Pour ne pas sombrer, j'attends. Shut up!